Question 8. Je prends la première route à droite pour rejoindre Albi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller à Montségur. Oui, réponse C. Non, réponse D.